raconte un peu. Ouais, tout est en ordre. Moyenne. À la fin de notre dernière leçon, nous avons rencontré un adjectif possessif que nous n'avions pas encore vu. Ich fuhren den Abend bei mein Freund auf Besuch. Nous avons vu les adjectifs possessifs pour des noms masculins « mein »,« dein »,« sein »,« hieren »,« sein »,« eisen »,« ehren »,« hieren ». Si l'objet possédé est un féminin, par contre, nous avons « mein »,« den »,« sein »,« hier »,« sein »,« eis »,« er »,« hier ». « Ming mam »,« ma mère ». Ding mam, sing mam, hier mam, sing mam pour le pronom personnel hat, donc le neutre singulier, eis mam, er mam, hier mam. Si l'objet possédé est neutre, nous avons mein, dein, sein, hiert, sein, eist, ert, hiert. Prenons Haus, la maison. Mein Haus, dein Haus, sein Haus, hiert Haus, sein Haus, eist Haus, ert Haus, hiert Haus. Au pluriel tout genre, nous trouvons la même forme qu'au féminin singulier. Donc, mein Freund, masculin, mein Freundinnen, féminin, Ming Kanner, mes enfants, neutre. Ming Frin, Ding Frin, Sing Frin, Hier Frin, Sing Frin, Eis Frin, Er Frin, Hier Frin. Ming Frindinnen, Ding Frindinnen, Sing Frindinnen, Hier Frindinnen, Sing Frindinnen, Eis Frindinnen, Er Frindinnen. Hier, Freundinnen. Mais n'oublions pas nos deux connaissances que nous avons laissées au marché un beau samedi matin. Sylvie, vous vous le rappelez, a besoin de fruits et de légumes. Obst agemäß. Bonjour, madame. Bonjour. Du chain Orangenhaut. Jo, Sie sind aus Spanien. Gib mir ein Kilo Wannisch gelift. Das mischt 56 Franc. Ich brauch auch noch Schuhflör. Die kostet 47 Franc. Aber Nannen, macht mir auch ein Kilo Wannisch gelift. An dann ein Pond Kiesten, an ein Pond Rot Trauben. Sus nach Eppes. Ne merci, da das alles. Das mischt zusammen 286 Franc. Hei sind 2000 Franc. Oh mei, hu dir keng Münz? Nein. Ich habe gut keng. Im Moment, wann ich gelift, ich froh mein Opa. So, lo geht es. 286 an e Franc mischt 287. 287 an e Franc mischt 281. An dann 289. 290 an 2x5 Franc mischt 300. An 100 mischt 400, an 100 500, a 500 mischt 1000, an 1000 mischt 2000. Voilà, a merci. A ver, an a schöne weekend. Encore une fois. Bonjour, madame. Bonjour, die hut schön orangen haut. Vous avez de belles oranges aujourd'hui. Jo. Sie sind aus Spanien. Oui, elles viennent d'Espagne. Gib mir ein Kilo, wann ich gelift. Faites-moi un kilo, s'il vous plaît. Das mischt 56 Franc. Ça fait 56 francs. Ich brauch auch noch ein Schuhfleur. Il me faut encore un Schuhfleur. Die kostet 47 Franc. Il coûte 47 francs. A Bananen. Macht mir auch ein Kilo Bananen, wann ich gelift. Et des bananes. Faites-moi aussi un kilo, s'il vous plaît. An dann ein Pond Kiesten. An ein Pond Rot Trauben. Et puis encore une livre de cerises et une livre de raisins rouges. Sonst noch etwas. Encore quelque chose? Nee, merci. Das ist alles. Non, merci, c'est tout. Das macht 286 francs. Ça fait 286 francs. Hier sind 2000 francs. Voici 2000 francs. Oh mein, hou dir kein Münz. Oh là là, vous n'avez pas de monnaie? Nein, ich hou gar kein. Non, j'en ai pas du tout. Im Moment, wann ich glift, ich freuen mein Opa. Un instant, s'il vous plaît, je demande à mon voisin. So, lo geht it. Voilà, ça y est. 286 an e franc, mischt 287 an eint, dat mischt 281 an eint, dat mischt 289 an eint, 290 an 2x5 franc, mischt 300 an 100 mischt 400, an 100 mischt 500, an 500 mischt 1000, an 1000 mischt 2000. Voilà, madame. Oh, merci. 286 plus un franc, ça fait 287, 288, 289, 290, plus 2 fois 5 francs, ça fait 300, plus 100, 400, plus 100, 500, plus 500, ça fait 1000, plus 1000, ça fait 2000. Voilà, madame, et merci. Au revoir, on a schöne weekend. Au revoir et bonne fin de semaine. Et nous aussi, on vous dit au revoir à la prochaine fois. Bis die nächste, Kaya.